إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 50 dans l'explication du livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi du Cheikh Saleh Al-Fawzan, et on est dans Kitab Al-Hajj, le livre du Hajj, dans le chapitre Babun fi Kayfiyat Al-Ihram, c'est-à-dire un chapitre au sujet de la façon dont on rentre en Ihram. En français, ils ont traduit le mot Ihram par le mot sacrilisation. D'accord, mais qu'est-ce qu'on veut dire par l'Ihram? C'est, comme on va l'expliquer, le fait qu'il y a certaines actions ou certaines choses qui deviennent haram pour nous dans cet état-là, et donc c'est pour ça qu'on l'appelle ihram. Donc le cheikh dit awwalu manasik al-hajj huwa al-ihram wa huwa niyyat ad-dukhul fi an-nusuk summiya bidhalika li'anna al-muslim yahrumu ala nafsihi biniyyatihi ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. Donc le cheikh il dit que premièrement, parmi les rites du hajj, le premier d'entre tous les choses qui a rapport avec le hajj, c'est l'ihram, et c'est-à-dire d'avoir l'intention de rentrer dans les rites du hajj, et on l'appelle comme ça ihram parce que lorsque le musulman entre dans l'ihram, c'est-à-dire qu'il s'interdit pour lui-même des choses à cause de son intention, c'est des choses qui lui étaient auparavant permises et qui deviennent interdites pour lui parce qu'il s'interdit de faire ces choses-là lorsqu'il entre en ihram. Et parmi les choses qui deviennent interdites pour lui durant cet état-là ou lorsqu'il est dans cet état, c'est par exemple un nikah, c'est-à-dire le mariage, ou bien de conclure un mariage, ou bien d'avoir des rapports sexuels, at-tib, c'est-à-dire le parfum, il ne doit pas mettre de parfum, après être entré en ihram, non plus il ne doit pas couper ses ongles, et il ne doit pas non plus raser ses cheveux ou couper ses cheveux, et yani, des choses aussi qui ont rapport avec les vêtements. Et ça, on va l'expliquer, inshallah. On va expliquer dans qu'est-ce qui suit. Le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il mentionne une parole de l'imam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa. Il dit, il n'est pas, l'être humain ou l'homme ou la femme n'est pas en état d'ihram, ou n'est pas muhrim. Un muhrim, c'est celui qui est en ihram. Eh bien, une personne n'est pas en ihram seulement à cause de l'intention qu'il a dans le cœur de faire le hajj. C'est-à-dire l'intention dans le cœur de faire le hajj, c'est pas suffisant pour dire que tu es en ihram. Il faut ajouter à ça certaines actions et certaines paroles, hein, pour que la personne devienne un muhrim. Ok, donc ça c'est la parole de Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire que c'est pas suffisant que la personne se limite à l'intention de son cœur pour dire qu'il est en état d'ihram. Il faut aussi, en plus de l'intention, qu'il fasse certaines actions et qu'il dise certaines paroles. Parce que l'intention qu'il avait, il l'avait depuis le moment qu'il a quitté son pays, hein, jusqu'à ce qu'il arrive au miqat. Donc il faut, à partir de ce moment-là, qu'il commence ou qu'il fasse ou qu'il dise certaines choses pour devenir muhrim. On va expliquer ça dans ce qui suit, inshallah. Le cheikh dit « وَقَبْلَ الْإِحْرَامِ يُسْتَحَبُّ التَّهَيُّ لَهُ بِفِعْلِ أَشْيَاءِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهَا تِلْكَ الْعِبَادَةِ بِفِعْلِ أَشْيَاءِ يَسْتَقْبِلُ بِهَا تِلْكَ الْعِبَادَةِ الْعَظِيمَةِ وَهِيَ » Dit, avant d'entrer dans l'ihram, il est recommandé de se préparer. Hein, il lui est recommandé de se préparer en faisant certaines choses, pour se préparer à cette grande adoration. Et il va mentionner ces choses une par une avec des exemples et des preuves et des explications. Il dit, premièrement, awwalan al-irtisal bi jami'i badani, fa innahu sallallahu alayhi wa sallam اغتسل لإحرامه لأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة والاغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل رواه مسلم وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام والحج وهي حائض والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء. Le Cheikh il explique, il dit que comme on a dit, avant l'Ihram il y a certaines choses qui sont recommandées de faire. Parmi ces choses, al-irtisal, c'est-à-dire de faire le ghusl, hein, de faire le ghusl, c'est-à-dire de se laver tout son corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le ghusl pour son ihram, hein, avant de rentrer en ihram. Et ça c'est rapporté par At-Tirmidhi, selon Zayd ibn Thabit. C'est le hadith 830 dans Sunan At-Tirmidhi. Donc il a fait ça, et en même temps une des sagesses derrière ça c'est que c'est un moyen de rester plus propre, d'être prêt et d'enlever les mauvaises odeurs. Et également donc le cheikh il dit que c'est quelque chose qui est demandé également de la part des femmes qui sont en état de menstruation ou bien qui sont nufasa, c'est-à-dire qui ont des écoulements à cause de leur accouchement. Donc elles doivent faire l'ihram même si elles sont dans cet état-là avant de faire l'ihram. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Asma bint Umays de faire le rusul alors qu'elle était nufasa, c'est-à-dire elle avait encore les écoulements après l'accouchement. Et malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire le rusul, et ça c'est rapporté selon Muslim. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Aïcha radiallahu anha de faire le rusul, alors que Aïcha était en état de menstruation. Malgré tout, elle devait quand même faire le rusul. Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé de le faire. Et la sagesse derrière ça, c'est que ça diminue ou ça coupe les mauvaises odeurs et ça diminue aussi l'impureté dans le cas de l'état de la menstruation et de la femme qui a les écoulements après l'accouchement. Thaniyan, deuxièmement, يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف. و يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف وما يشرع أخذه من الشعر كشعر الشارب والإبط والعانة مما يحتاج إلى أخذه لأن لا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذه لأنه إنما يفعل عند الحاجة وليس هو من خصائص الإحرام ولكنه مشروع بحسب الحاجة. Le Cheikh il dit, il est également recommandé de se nettoyer en prenant ou en enlevant certains poils si c'est nécessaire, comme par exemple les poils de la moustache, les poils en dessous des bras, les poils au pubis ou bien autour des parties génitales, de les enlever. Et ça, c'est si c'est nécessaire de le faire. Si c'est nécessaire de le faire, il le fait. Comme ça, une fois qu'il est en état d'ihram, il aura pas de problème. La personne n'a pas de problème par la suite. Il n'a plus besoin d'avoir peur parce qu'il les a déjà enlevés. Parce qu'une fois que tu rentres en état d'ihram, c'est interdit par la suite. Hein? Donc c'est ça. Et ça fait pas partie de l'ihram ou des particularités de l'ihram. Toutefois, c'est quelque chose qui est toujours légiféré en temps général même. Lorsqu'on a besoin de l'enlever. Donc, en particulier, comme c'est avant l'ihram, comme ça, on n'a plus de problème par la suite de ce côté-là. Bien entendu, on ne coupe pas les cheveux avant l'ihram. Et donc, ça, c'est très important. ثالثاً يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب كالمسك والبخور وماء الورد والعود لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي أو أطيب رسول الله صلى الله أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم لحله قبل أن يطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس. D'accord, donc le Cheikh il dit que comme troisième point, il est recommandé à la personne qui veut entrer en état d'Ihram de se parfumer avant de le faire, de parfumer son corps avant d'entrer en état d'ihram avec ce qu'il trouve comme parfum ou comme moyen de se donner une bonne odeur comme le misc ou les encens, le bukhur ou bien l'eau de rose ou bien l'oud ou n'importe quelle autre chose qui est utilisée comme pour donner une bonne odeur. Et ça c'est basé sur qu'est-ce qui a été rapporté de la part de Aïcha radiallahu anha dans Al-Bukhari et Muslim, dans lequel elle dit qu'elle mettait du parfum sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant son ihram. Donc c'est ça. Et avant qu'il et durant le temps où il était après avoir enlevé son ihram, avant de faire tawaf, de faire le tawaf. C'est-à-dire après avoir enlevé son ihram et avant de faire le tawaf, elle lui mettait du parfum aussi. Donc après, le cheikh il mentionne les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit, si le muhrim veut se mettre du parfum sur son corps, c'est quelque chose de bien et il n'est pas ordonné de le faire avant l'ihram. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait lui-même et il n'a pas ordonné les gens de le faire. Donc c'est quelque chose de bien, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Et on n'est pas obligé d'ordonner aux gens de le faire, mais c'est quelque chose de bien de le faire. رابعاً يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسروال أو السراويل لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترف ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت فيتجنب محذورات الإحرام ويتذكر الموت ولباس الأكفان ويتذكر البعث والنشور إلى غير ذلك من الحكم. Le Cheikh mentionne comme quatrième point qu'il est recommandé avant de rentrer en ihram de s'enlever tout vêtement qui est cousu, hein, qui a été cousu. C'est-à-dire que s'il a des vêtements qui ont des coutures, il doit les enlever. Donc tout ce qui est porté comme vêtements, ou kamis, ou sirwal, hein, des choses qui ont des coutures, il doit les enlever. Parce que le prophète sallam les avait enlevés avant d'entrer en ihram. Et il remplace ses vêtements par une izar et un rida. Deux pièces de tissu. Un izar, c'est qu'est-ce qu'on utilise autour de, qu'on attache autour de la taille jusqu'en bas des genoux, ou bien aux genoux, hein, c'est-à-dire en bas des genoux, pour couvrir l'aura, hein, du nombril jusqu'aux genoux. Puis arida, c'est qu'est-ce qu'on met par-dessus comme couverture sur nos épaules. Donc on appelle ça rida. La partie d'en bas c'est l'izar et la partie d'en haut c'est rida. Et c'est recommandé que ce soit blanc, hein, que ce soit deux pièces de tissu blanches, bien entendu pas transparent. Et c'est permis que ce soit autre couleur. C'est-à-dire, c'est pas obligé d'être blanc nécessairement, mais c'est mieux. En particulier que lorsqu'on est en ihram et surtout là-bas en Arabie Saoudite, il fait très chaud et le blanc, eh ben, il a comme caractéristique de repousser la chaleur et le soleil. Donc, c'est quelque chose de recommandé quand même de porter des couleurs claires et en particulier le blanc. Ça aide de ce côté-là parce que si quelqu'un porte du noir ou des couleurs plus foncées, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est pour les hommes en particulier, parce que les femmes, elles continuent à porter les vêtements cousus. Hein. La seule chose qu'elles n'ont pas le droit de porter durant l'ihram, c'est le niqab et les gants. C'est-à-dire une pièce de tissu fixée au visage, attachée au visage, comme le niqab, ou bien des gants, ou bien le burqa', un masque ou quelque chose comme ça. Toutefois, elle peut continuer à cacher son visage en présence des hommes par autre chose que le niqab, comme par exemple avec la manche de son vêtement. Elle peut cacher ses mains et son visage avec ça, ou bien avec quelque chose autre que le niqab, comme faisaient les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, comme c'est mentionné selon Aïcha radiallahu anha et d'autres femmes également parmi les femmes des sahaba. Le Cheikh dit « وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ » La sagesse du fait de porter l'izar et le rida et de s'enlever nos vêtements cousus, il y a une sagesse dans ça, c'est du fait qu'on s'éloigne de l'extravagance et de la superficialité des vêtements qu'on porte. Et donc tout le monde est habillé pareil. Et on a l'apparence ou les caractéristiques d'une personne qui est humble et qui a de l'humilité. Et en même temps, on se rappelle à cause de ça qu'on est à chaque instant en état d'ihram et qu'on doit s'écarter de tout ce qui est interdit pour nous durant l'ihram. Et également, ça nous rappelle de la mort et des vêtements qu'on met ou du tissu dans lequel on enveloppe le mort, comme linceul, parce qu'on enveloppe le mort dans un dans un linceul blanc. Et donc, ça donne l'impression que ça nous rappelle de la mort. Et aussi, ça nous rappelle le jour de la résurrection et le jour où on sera tous rassemblés devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce jour-là, on sera tous, disons, nus et on sera tous habillés, on sera pas habillés, on sera nus, mais on sera tous debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça va nous donner cette impression-là qu'on est comme si on est réunis ensemble tous, comme on sera tous réunis aussi au jugement dernier. Et il y a beaucoup d'autres sagesses également. Cheikh il dit: والتجرد من عن المخيط قبل نية الإحرام سنة أما بعد نية الإحرام فهو واجب. Le Cheikh il dit de s'enlever les vêtements cousus avant d'avoir l'intention d'entrer en ihram, c'est une sunna. Toutefois, après qu'on ait l'intention de l'ihram, ça devient obligatoire. ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة صح إحرامه ووجب عليه نزع المخيط. Il dit que si la personne a eu l'intention, c'est-à-dire a l'intention d'entrer en ihram alors qu'il a sur lui ses vêtements cousus, son ihram est valable. Son ihram est valable. Toutefois, il est obligatoire pour lui d'enlever les vêtements cousus. فإذا أتم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام لأن الإحرام هو نية الدخول في الشروع هو نية الدخول والشروع في النسك فلا يصير محرما بمجرد التجرد عن من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Donc, يعني un individu donc qui part pour faire le Hajj, lorsqu'il arrive au Miqat, avant de rentrer dans l'endroit où, c'est-à-dire avant de traverser le Miqat, il doit entrer en état d'ihram. Et pour entrer en état d'ihram, c'est pas uniquement de faire les choses qu'on vient de mentionner, comme par exemple de faire le ghusl, de mettre du parfum, de couper les ongles et de raser les poils, etc. Donc tout ça c'est pas ça l'ihram. L'ihram, c'est l'intention que la personne a d'entrer en état d'ihram, et c'est ça en réalité qui fait qu'il devient muhrim. إذا أتم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام وليس فعل هذه الأمور إحراما. Donc c'est ça, il y a des gens qui pensent, il y a beaucoup de gens qui pensent que de faire ces actions là c'est ça l'ihram. Mais le cheikh il dit non, l'ihram c'est l'intention d'entrer et les rites, le fait de commencer à faire les rites du Hajj, c'est ça l'ihram. Donc c'est pas correct de croire ou de penser que on est muhrim juste en enlevant les vêtements cousus et en portant les vêtements de l'ihram. C'est-à-dire, c'est ça. Parce que les vêtements qu'on porte durant l'ihram, c'est-à-dire l'izar et le rida, on l'appelle ihram. Les gens l'appellent ce vêtement-là ihram. Et donc, ils s'imaginent qu'en portant le vêtement sur eux, d'ihram, ils pensent que ça y est, ils sont muhrim juste en mettant le vêtement sur eux. Mais c'est pas suffisant. C'est pas seulement le fait de mettre l'izar et le rida qui fait que tu rentres en état d'ihram, mais c'est l'intention. Hein, l'intention de rentrer dans l'ihram et de commencer à faire les rites du Hajj. C'est ça ce qui fait que quelqu'un rentre en état d'ihram avec l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actions ne sont récompensées que selon les intentions. Sinon, la même chose pour la femme. La femme, elle n'a pas enlevé ses vêtements ou a changé ses vêtements. Elle peut continuer à porter des vêtements qui sont cousus et elle est en état d'ihram quand même. Donc, c'est l'intention qui fait que tu rentres en état d'ihram. Hein? Donc, c'est très important de comprendre ça. أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ولكن إذا إن صادف وقت فريضة أحرم بعدها، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة. وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فريضة غير فرض الظهر. Le cheikh il dit, en ce qui concerne la salat avant l'ihram, ce qui est plus correct, c'est qu'il n'y a pas une salat spécifique, il n'y a pas une prière spécifique à faire pour l'ihram. Mais si le moment où il met l'ihram, le moment où il rentre en ihram, coïncide avec une prière obligatoire, alors, après avoir fait sa prière obligatoire, il fait l'ihram à ce moment-là. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait l'ihram, il est entré en ihram après la salat. Et ça, c'est rapporté selon Anas. Et c'était la prière de Dhuhr. Donc, il a fait la salat de Dhuhr, puis il est monté sur sa monture. Et l'allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il dit... Il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une salat particulière pour son ihram ou qu'il a fait rak'atayn autre que la prière de dhuhr. Ça c'est rapporté par Abu Daoud, le hadith de Anas, et par An-Nasa'i, et les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, c'est dans Zad al-Ma'ad. Le cheikh il dit wa huna tanbihun la budda minhu وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثيابهم الإحرام فيه، وهذا لا أصل له. والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات في أي بقعة منه، ولا لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له، وما هو أرفق به وبمن معه، وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس. وهذه المساجد التي في الميقات لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبنى لأجل الإحرام منها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها. هذا ما أردنا التنبيه عليه. والله الموفق. Oui, donc le cheikh il explique ici un point, il dit, j'aimerais mettre l'attention sur un point, c'est que beaucoup de hujjaj, ils croient qu'il faut absolument que l'ihram soit fait à partir de la mosquée, c'est-à-dire la mosquée qui a été construite à l'endroit où il y a al-miqat aujourd'hui. Et donc, tu les vois se précipiter vers la mosquée, hommes et femmes, et ils s'entassent tous dans la mosquée, et tu les vois même parfois, certains vont enlever leurs vêtements et porter l'ihram à partir de cet endroit-là. Et ça, il dit, ça n'a aucune base. C'est-à-dire, c'est pas dans la mosquée, c'est pas recommandé de faire ça dans la mosquée. En fait, même, alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a à l'endroit où il y a les miqat, il y a des grandes toilettes, yani, ou salles de bain, et il y a des douches comme ça, où les gens peuvent justement aller pour se laver avant de rentrer en ihram et enlever leurs vêtements et mettre leur ihram et faire les choses recommandées avant de rentrer en état d'ihram. Donc ils peuvent faire ça à partir de ces endroits-là. Et ça c'est si bien entendu quelqu'un vient de, par exemple, bon, moi dans mon cas, parce que j'étais à Médine quand j'ai fait le Hajj, donc je partais de Médine, donc je pouvais faire ça parce qu'on arrête au Miqat et il y a les choses qui sont disponibles. Toutefois, quelqu'un bien entendu qui arrive en avion et qui descend à Jeddah, ben c'est bien certain qu'il peut pas faire ça dans l'avion, faire le rosol et tout ça, mais il le fait avant de partir. Tout ce qui a rapport avec les sunan, il les fait avant de partir, à partir de la maison. Puis à l'intérieur de l'avion, il porte ses vêtements normaux. Puis lorsqu'il arrive proche du miqat, eh ben il enlève il va soit à la salle de bain, chose comme ça. Puis il enlève ses vêtements ordinaires et il porte les vêtements pour l'ihram. Et donc, dans ce cas-là, il y a pas de problème. Il descend de l'avion, il a les vêtements d'ihram sur lui. Donc, ce qui est recommandé pour le musulman, c'est qu'il fasse l'ihram à partir du miqat. Peu importe où il est, et il n'y a pas un endroit spécifique pour faire l'ihram. Hein, parce que là, le cheikh, il parle en particulier des gens qui font l'ihram à partir des miqats, à partir des avions. Parce que à ces endroits-là où il y a les miqats, il y a des mosquées maintenant qui sont construites là-bas. Et donc, il est en train d'expliquer ce point-là pour ces gens-là, que c'est pas obligatoire de le faire dans la mosquée. Vous pouvez le faire n'importe quel endroit autour de cet endroit-là, depuis que c'est avant le miqat. Et le cheikh il dit on peut le faire à l'endroit où c'est le plus facile pour nous et le moins compliqué, et en même temps à l'endroit où on est plus caché, puis plus, c'est-à-dire on est plus à l'intimité, comme ça personne va nous voir enlever nos vêtements, etc., etc. Puis on est loin des foules et des masses qui sont réunies, comme par exemple, contrairement à la mosquée, où il y a beaucoup de monde. Donc changer nos vêtements dans la mosquée comme ça, devant les gens, c'est pas le meilleur endroit pour le faire. Voilà, il masajid, et il dit que les mosquées qui sont là maintenant, actuellement, dans les miqats, eh bien, elles n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont été construites, et elles ont été construites maintenant, récemment, ou bien par la suite, c'est-à-dire, elles n'ont pas été construites ou bâties pour l'ihram. Elles ont été bâties pour établir la salat pour les gens qui habitent à cet endroit-là, c'est-à-dire qui habitent près du miqat. Eux, ils vont faire leur prière là-bas 5 fois par jour. Donc, c'est pour eux que ces mosquées-là sont bâties, et non pas pour les harams. Et la preuve, quand on va là-bas, on constate même que la mosquée, elle est petite. Elle n'est pas grande. Donc, ça montre que c'est pas construit pour les harams, nécessairement. Parce que c'est autant au moment du Hajj, ou à l'Umrah, ben là, il y a beaucoup de monde durant le Ramadan et dans le Hajj. Mais le reste de l'année, c'est normal. Il y a les gens du quartier qui vont prier là-bas seulement. Après, ou bien les gens qui vont faire le Hajj aussi. Après, le Cheikh il dit, ويخبر أن يحرم ويخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة وهي التمتع والقران والإفراد. Il dit le cheikh que là, par la suite, la personne, elle a le choix de faire un des 3 rites de Hajj qu'elle veut. Il y a 3 rites, ou il y a 3 catégories de Hajj. Il y a le Hajj Tamattu, il y a le Hajj Qiran, il y a le Hajj Al-Ifrad. Et il y a des petites différences entre les deux, en fait. mais bon, on va les expliquer. Le cheikh dit fattamattu an yuhrim bil umrah fi ashhur al hajj wa yafrahu minha thumma yahrumu yahrimu non thumma yuhrimu bil hajj fi amihi ثم يحرم بالحج في عامه والإفراد أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا ويحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة ويطوف لهما ويسعى وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع لأدلة كثيرة. Le cheikh il dit que donc les trois catégories d'ihram sont les suivantes. La première c'est at-tamattu', la deuxième c'est al-qiran et la troisième c'est al-ifrad. At-tamattu', c'est que tu fais al-umrah durant les mois du Hajj et lorsque tu as terminé ta umrah, tu enlèves ton ihram et tu la remets lorsque le Hajj commence. Ça c'est al-hajj at-tamattu'. D'accord, donc ça veut dire tu t'en vas faire la tu t'en vas avec ton ihram, tu passes le miqat avec ton ihram dans l'intention d'aller faire umrah, puis tu enlèves ton ihram. Puis quand le hajj commence, les jours du hajj commencent, et ben là tu remets ton ihram encore et tu rentres encore en ihram pour le hajj la même année. Donc ça c'est al-hajj at-tamattu', et c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de faire parce que c'est le plus facile, hein? C'est le plus facile dans le sens que tu enlèves ton ihram après avoir fait al-umrah et donc yani tu as le droit de faire tout ce qui est permis en temps normal jusqu'à ce que tu remettes ton ihram par la suite. La deuxième catégorie que le cheikh mentionne parmi les exemples ou les catégories de hajj, c'est al-ifrad, c'est-à-dire la personne qui rentre avec l'intention de faire uniquement le hajj sans faire de umrah. Donc quand il traverse le miqat, il fait l'ihram avec l'intention de faire uniquement le hajj sans faire de umrah. Donc il va garder son ihram sur lui jusqu'à ce que le hajj commence. Jusqu'à ce qu'il termine le hajj, mais sans faire de umrah auparavant. Et donc ça peut être pratique pour certaines personnes qui arrivent juste pour le moment du hajj et qui n'ont pas le temps par exemple de faire une umrah. Donc ils rentrent avec l'ihram et yani il commence à faire le hajj directement. Et la troisième catégorie de hajj ou de catégorie de rite pour le hajj, c'est celui qui a l'intention de faire al-hajj et al-umrah ensemble. C'est-à-dire qu'il fait l'ihram pour le umrah et pour le hajj ensemble. Hein? Et donc il part pour faire l'umrah, puis ensuite il entre l'intention du hajj avant de commencer de faire le tawaf. Hein? Donc il fait l'intention pour l'umrah et le hajj à partir du miqat ou avant de faire le tawaf pour l'umrah. Et il fait le tawaf pour les deux et as-sa'i. Donc c'est comme s'il inclut les deux ensemble, un avec l'autre. Tandis que al-mutamatti', lui, il va enlever son ihram après avoir fait l'Umrah. Et donc, il faut avoir l'intention de faire une de ces catégories-là avant de rentrer dans l'Ihram. Et celui qui fait al-tamattu' et al-qiran, hajj tamattu' ou hajj qiran, il doit sacrifier un animal. Tandis que celui qui fait le hajj ifrad, eh ben, il n'a pas besoin de faire un sacrifice. D'accord? Et ça, c'est uniquement s'il ne fait pas partie des gens qui habitent à Mecca. S'il habite à Mecca, c'est pas obligatoire pour lui de faire un sacrifice. Et ça, c'est en ce qui concerne al-mutamattir et al-qarin. Et on va voir aussi, peut-être dans le chapitre qui suit, si par exemple la personne qui fait le hajj tamattu', elle n'a pas amené avec elle, ou bien qu'elle n'a pas de moyen de faire le sacrifice, dans ce cas-là, c'est-à-dire de sacrifier un mouton, dans ce cas-là, elle doit jeûner 3 jours dans le hajj et 7 jours lorsqu'elle retourne. Ok, donc ça, on va probablement en parler plus loin. Et le cheikh, il dit que le meilleur de ces trois-là, c'est le hajj tamattu', parce qu'il y a beaucoup de preuves hein, dans les hadiths qui montrent que le meilleur, c'est le tamattu'. Après, il dit « فَإِذَا أَحْرَمَ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَنْسَكِ وَلَبَّ أَقْبَ إِحْرَامِهِ فَيَقُولْ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من التلبية ويرفع بها صوته. Le cheikh il dit que après, une fois que tu es entré dans l'ihram donc tu fais l'ihram pour un de ces trois rites là, tu dis la baik Allahumma umra. Si tu vas pour le hajj tamattu', tu dis que tu viens pour, tu fais ton ihram et tu prononces que tu fais l'umra. Si tu fais l'ifra, tu dis la baik Allahumma hajjan, tu dis pour faire le hajj seulement, sans mentionner l'umra si tu le fais ifrad. Et si tu le fais qiran, ben, tu le dis soit au miqat, labbaik Allahumma hajjan wa umra, ou bien tu le dis umra, puis tu rentres le hajj avant de faire le tawaf. Et après tu commences à faire at-talbiya, et ça fait partie des rites du hajj. Tu commences à faire la at-talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. C'est-à-dire, me voici, ô Allah, me voici. Yani, je réponds à ton appel et il n'y a pas d'autre, tu n'as pas de partenaire. Donc, me voici et je réponds à ton appel et la louange et la grâce est à toi et ainsi que le royaume, et il n'y a pas d'associé avec toi. Donc ça, c'est At-Talbiya, et il le dit plusieurs fois, et il élève sa voix en le disant. Ok, donc là, on a terminé en ce qui concerne comment entrer en Ihram. Maintenant, une fois qu'on entre en Ihram, il y a des choses qui deviennent interdites, chose qu'on n'a plus le droit de faire. Et on va commencer donc à en expliquer quelques-unes. Et puis, demain, on continuera la suite, Inch'Allah, parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les expliquer aujourd'hui. Donc, on va en faire une partie, Inch'Allah. Cheikh il dit باب في محظورات الإحرام, c'est-à-dire le chapitre sur ce qui est interdit durant l'Ihram. محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها. بسبب الإحرام وهذه المحظورات تسعة أشياء les choses qui sont interdites durant l'ihram sont les choses que le muhrim est obligé ou ordonné de s'en écarter du fait qu'il est en ihram, en état d'ihram, et ces choses-là, ces choses interdites-là sont de neuf. La première, al-mahdhur al-awwal, halq al-sha'r. فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلحقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فنص تعالى على حلق الرأس ومثله شعر البدن وفاقا لأنه في معناه ولحصول الطرف بإزالته فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام لأن المحرم يكون أشعث أغبر فإن خرج فإن خرج بعينه شعر أزاله ولا فدية عليه لأنه شعر في غير محله ولأنه أزاله لأنه أزال مؤذيا. Bon, ici le cheikh il explique comme premier point que parmi les choses qui sont interdites à faire durant l'ihram, c'est d'enlever les poils ou de raser ou d'enlever les poils. Et c'est interdit de les enlever sur tout le corps, sans exception, si c'est fait sans excuse. Comme par exemple, que ce soit avec une lame, par rasage, ou en les arrachant avec les doigts, ou d'une autre façon quelconque, c'est interdit de les enlever. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 196, de ne pas raser vos têtes jusqu'à ce que le sacrifice ait atteint l'endroit où il doit être amené. C'est-à-dire lorsqu'on doit faire jusqu'à ce qu'on ait fait le sacrifice. Donc, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait complété les actes du Hajj, on n'a pas le droit de couper les poils ou de les enlever ou de raser les cheveux, des choses de ce genre. Et dans le texte, dans le verset, on mentionne la tête. Toutefois, ça s'applique également à tous les poils qui sont sur le corps, comme par exemple en plus des cheveux, les poils en dessous des bras et les poils aux aines et la moustache, etc. En ce qui concerne la barbe, c'est interdit de la raser, que ce soit dans le Hajj ou en dehors du Hajj. Donc ça concerne pas nécessairement le Hajj. Et donc le cheikh il dit que une des raisons pourquoi ça rentre ou pourquoi tous les poils du corps rentrent dans ce qui est interdit d'enlever, c'est parce que le fait d'enlever ces poils sur le corps, ça montre une certaine aisance, un certain confort, extravagance. Et ça, c'est en opposition avec le but, ou disons, le fait d'être en ihram. Parce que le muhrim, il doit être en poussiéreux, il doit être poussiéreux et sale d'une certaine façon, poussiéreux, et donc avoir l'air un peu négligé là, pas avoir l'air de quelqu'un qui est bien entretenu. Et c'est ça le but du Hajj. Si par exemple il y a un poil qui est dans son œil ou quelque chose comme ça et qu'il l'enlève, ça il n'y a pas de problème parce que c'est pas un endroit d'où poussent les poils. Et donc il n'a pas de sacrifice à faire ou de choses à faire pour expier le fait d'avoir enlevé un poil qui est rentré dans son œil, par exemple. Al-mahdhur al-thani, taqlim al-adhafir wa qassiha min yad aw rijl bila uzr. Fa in inkasara dhafruhu fa azalaha aw zala ma'a jild. أو زال مع الجلد فلا فدية عليه لأنه زال بالتبعية لغيره والتابع لا يفرد بحكم وبخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع لقوله صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولحديث كعب بن عجرة قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى تجد شاة قلت لا فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال وهو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة متفق عليه وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر وهو القمل ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبره وقال شيخ الإسلام رحمه الله وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق يعني إذا احتلم وهو محرم وكذا لغير الجنابة bon. Le cheikh il dit que qu'est-ce qui est interdit également parmi les choses qui sont interdites durant l'état d'ihram, c'est de couper les ongles des doigts ou des pieds, hein, des orteils. Et le cheikh il dit, ça c'est dans le cas où quelqu'un le fait sans excuse. Toutefois, si par exemple l'ongle s'est cassé tout seul, ou bien s'est enlevé avec la peau, dans ce cas-là, il n'y a pas d'expiation à faire dans ce cas-là. Et après, il dit contrairement au fait de raser les cheveux à cause de, par exemple, quelqu'un qui a des poux, par exemple, quelqu'un a des poux ou une maladie dans ses cheveux. Dans ce cas-là, il les rase ou il les enlève pour éliminer les poux ou les problèmes qu'il a dans sa tête, et pour expier ça, il va faire soit un jeûne, ou il va nourrir un homme de pauvre, ou bien il va faire un sacrifice. Et c'est arrivé, et c'est mentionné dans le hadith de Ka'b ibn Ujrah, qui rapportait selon Al-Bukhari et Muslim, qui dit que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des poux sur sa tête, et donc on l'a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu même qu'il avait des poux même qui tombaient sur son visage tellement il en avait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ça et il lui a demandé, donc il a constaté qu'il avait vraiment des problèmes, un grave problème, et donc il lui a demandé est-ce qu'il avait un mouton ou une brebis pour donner un sacrifice, et il a répondu qu'il n'en avait pas, et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. C'est le verset 196 dans Surat Al-Baqarah, c'est-à-dire qu'il y a une expiation à payer pour ça, soit un nombre de jeûnes, c'est-à-dire il doit jeûner comme c'est mentionné dans Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Ayyub al-Ansari, qu'il doit soit jeûner 3 jours ou nourrir 6 pauvres ou sacrifier un mouton. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et ça c'est parce que en fait la nuisance n'est pas dans les cheveux eux-mêmes, mais à cause de qu'est-ce qui est dans les cheveux, c'est-à-dire par exemple les poux ou les puces ou les... Il y a un parasite dans les cheveux. Il dit aussi que c'est permis pour le muhrim de laver ses cheveux avec, qu'est-ce qu'il dit, avec cidre, avec des feuilles d'un arbre, ça s'appelle cidre. Et ça c'est rapporté dans Sahihayn. Une fois j'ai regardé dans le dictionnaire et la traduction du mot cidre c'était le jujubier. Donc, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, sûrement que les gens le connaissent en ce qui concerne cette chose-là. Et après, le cheikh, il dit donc que c'est permis de se laver la tête, de se laver les cheveux. Ça, c'est pas interdit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est lavé la tête et par la suite, il a bougé ses cheveux avec ses mains, en passant ses mains par en avant et par derrière. Donc, ça c'est rapporté selon Muslim dans le hadith de Jabir. Il y a en passant un hadith dans Sahih Muslim qui est rapporté selon Jabir, et c'est un hadith qui est très très long, qui est un récit en fait de tout le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a écrit même un livre sur le hajj, et c'est basé sur ce hadith. Donc, c'est un hadith très important dans les questions de hajj. Ensuite, le cheikh il dit donc que Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit qu'il est permis également de se laver, de faire le ghusl, lorsqu'on est en état d'impureté, par exemple, si quelqu'un s'est réveillé après avoir eu un rêve, donc il a eu une éjaculation pendant son rêve, et donc il se réveille en état de janaba, donc il a le droit de se laver, de faire le ghusl, et il a le droit également de faire le ghusl même pour autre chose que pour al-janaba, soit pour se rafraîchir ou bien pour enlever la chaleur sur lui, etc. Ensuite, le cheikh il dit al-mahdhur al-thalith taghtiyat ra's al-dhakar, yani taghtiyat ra's al-dhakar linahyihi sallallahu alayhi wa sallam an libs al-amaim wal-baranis. Qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah kullu muttasilin ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق، سواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء وعصابة، وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم، وكذا يجوز للمحرم الاستذلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية. Donc le cheikh il dit que parmi les choses qui viennent, qui sont interdites durant l'ihram, pour les hommes en particulier, et non pas pour les femmes, pour les hommes en particulier, et ça c'est une autre distinction dans les règles de la charia entre ce qui est permis aux hommes et aux femmes, comme on a vu dans l'ihram, maintenant c'est interdit pour l'homme de se couvrir la tête durant l'ihram. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de porter un turban ou un chapeau ou quoi que ce soit, yani un taqiyya ou un koufi ou n'importe quelle autre chose qui est portée sur la tête. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il dit tout ce qui touche et qui est connecté ou collé sur la tête ou porté sur la tête qui touche à la tête et qui est porté pour couvrir la tête, comme un turban ou une taqiyya ou autre, ou un chapeau ou autre, eh bien c'est interdit selon l'accord des ulama à ce sujet-là, c'est interdit. Et peu importe que la chose par laquelle on se couvre la tête est préparée ou fabriquée dans le but de couvrir la tête ou non. D'accord? C'est-à-dire que ce soit par exemple une imama, c'est-à-dire un turban ou bien un foulard qu'on porte sur la tête, ou bien n'importe quoi, il y en a d'autres qui est utilisé comme couvre-tête. Mais c'est permis de se faire de l'ombre, soit par une tente ou par un arbre ou par un toit. Il n'y a pas de problème tant que c'est pas collé à la tête. Et même le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui avait mis une tente, et donc il s'est installé là-bas alors qu'il était en état d'ihram. Et donc ça montre que c'est permis de se faire de l'ombre, de se couvrir du soleil par une tente ou autre. Et le cheikh, il dit que il est également permis pour le muhrim de se faire de l'ombre par un parasol si c'est nécessaire. Et c'est permis également de monter dans une voiture qui a un toit. Vous voyez parfois même dans le hajj, il y a certaines personnes qui viennent au hajj et ils ont des autobus sans toit. Hein, ils enlèvent le toit parce qu'ils s'imaginent que c'est pas permis de se couvrir, d'être couvert ou d'avoir un toit au-dessus de la tête. Mais en réalité, c'est pas interdit d'avoir un toit au-dessus de la tête et de se couvrir avec quelque chose contre le soleil, comme un parasol ou autre. Qu'est-ce qui est interdit, c'est de porter un chapeau ou quelque chose qui touche à la tête et qui est porté sur la tête. Toutefois, c'est pas interdit de se cacher du soleil en utilisant un parasol ou autre. Et il dit également, le cheikh, que c'est permis de porter des paquets sur la tête, tant que si c'est pas dans l'intention de se couvrir la tête avec. Comme par exemple, il y a des gens qui portent des bagages sur leur tête. Donc ça, c'est permis. Toutefois, c'est permis tant que c'est pas dans l'intention de se couvrir la tête. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Puis demain, on va continuer à partir du quatrième point de ce qui est interdit dans l'ihram, inshallah. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وجزاكم الله خيراً